Redline, d'Alexandra Badea. I am here to speak for all generations to come. Réalisation, Baptiste Guiton. I am here to speak on behalf of the starving children. Cinquième épisode. Quelques mois avant une nouvelle conférence sur le climat, une négociatrice et un ministre de l'écologie se lancent dans la course pour sauver le monde. Ou plutôt pour sauver leur monde. Elle négocie la red line de la contribution nationale avec les chercheurs. Lui rencontre les lobbies de l'industrie et apprend que tout a déjà été joué à un autre endroit de son gouvernement. Il reprend l'ascenseur pour descendre. En fait, il n'avait pas besoin de monter. C'était juste un prétexte pour la coincer entre quatre murs et lui dire ses quatre vérités. Il s'est fait avoir par cette femme. Il a du mal à le digérer. Ce matin, les industriels l'ont humilié. Maintenant, son propre personnel. Et là, en plus, il doit faire une visite de courtoisie au ministre des Finances. Quelle journée! Il monte dans la voiture et se souvient du calme bucolique d'avant. Quand il avait trois cours dans la semaine et quelques entretiens avec ses thésards, le temps lui appartenait pleinement. Il l'a donné en échange de cette vie trépidante qui ne lui offre que des ennuis. Le soleil brûle dehors. Il demande au chauffeur de monter la clim, à fond. Sa mince participation au réchauffement global. Place de la Victoire, des enfants s'arrosent dans la fontaine qui déverse des litres d'eau pour le grand plaisir des touristes. Il les regarde. Et cette nostalgie acariâtre revient. Il a vraiment cru au départ qu'au ministère, il aurait de la marge, qu'il pourrait vraiment marquer son territoire. Mais aujourd'hui, il ne fait que jouer une partition écrite ailleurs. Et le monde dans tout ça, il ne sait pas. C'est trop vaste, trop lointain. Et lui, aujourd'hui, se sent trop petit dans cet écosystème perdu. La voiture s'arrête. Son effusion lyrique aussi. Il monte les marches pour affronter la bête, sans trop savoir dans quel combat il est parachuté. Le ministre des Finances l'accueille avec son gros rire vulgaire. Après la minute réglementaire de politesse et cordialité, il attaque. On doit travailler ensemble sur ce dossier. Ce n'est plus un enjeu personnel ou sectoriel. C'est notre avenir qui est en jeu. On le sait tous, mais on fait semblant de croire que ce n'est pas si grave que ça. Là, c'est à toi de jouer. Mais c'est déjà joué. Non, c'est pas joué. On n'a même pas rédigé la contribution. La red line est tracée. Ça non plus, c'est pas sûr. On est resté sur 35% d'énergie renouvelable en 2020. Là, je viens de voir l'industrie qui dit... Non, c'est 27 maximum, et en 2030. C'est suicidaire. Arrête avec ces discours alarmistes, cet activiste. T'es ministre, t'es pas à Greenpeace. Mais je ne te parle même pas des conséquences du réchauffement, là. Je te parle de nous. Politiquement, c'est suicidaire. Les autres États vont défendre des projets plus ambitieux. À la fin, on va devoir s'ajuster à la politique commune, et encore une fois, on va se faire passer pour un gouvernement mou. Mais c'est ça le boulot qu'on doit faire. On doit imposer notre red line, c'est tout. C'est pour ça qu'on a choisi cette négociatrice coriace. Elle, avec ses dents qui rayent le parquet et sa force de conviction, doit leur arracher cet accord à nos conditions. On va à contre-courant. Tout le monde parle de ces enjeux maintenant. L'opinion publique nous guette. Tu as vu les derniers sondages ? Oui, et ça confirme exactement ce que je te dis. Ah bon ? Les chiffres te contrediront. 75% des électeurs sont préoccupés par les réalités climatiques. Et 83% sont conscients que leur mode de vie doit évoluer. Oui, mais il n'y a que 8% qui se disent prêts à modifier leur mode de chauffage et de consommation. Alors on va aller loin avec tes 8%. Écoute-moi bien. Toi, tu t'occupes de cette belle contribution. Et moi, je vais expliquer à ceux qui seraient déçus pourquoi on ne peut pas faire autrement. T'inquiète, je sais parler de pouvoir d'achat. C'est là où le bât blesse. Donc, en gros, je n'ai aucune marge. Vous avez déjà tout négocié avec l'industrie. Et moi, je dois me rallier à ça. Mon point de vue ne compte pas. Je veux pas te blesser, mais tu crois que si le gouvernement avait comme priorité l'écologie, il aurait nommé un ministre qui n'a aucun poids politique et aucune popularité auprès de l'opinion publique ? Il y a des phrases qui changent la topographie interne d'un être vivant. Des phrases qui déclenchent des orages acides, des guerres intergalactiques. Des phrases qui marquent la fin du langage. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire en réponse à cette phrase ? Elle faisait partie de cette constellation meurtrière. Il est là pour faire de la figuration. Il vient de le comprendre. Il est là pour sourire sur la photo, pour signer avec son Mont Blanc des accords rédigés à d'autres niveaux. Ce ministère n'est qu'une planque, et il doit être reconnaissant. Il devrait baiser la main de celui qui a paraphé son contrat d'investiture, sauf qu'il ne peut pas. Il lui reste encore un gramme de dignité. À ce moment-là de sa vie politique, devant ce ministre omnipotent, il est comme une souris de laboratoire, en inhibition d'action. En temps normal, il devrait avoir deux options, la lutte ou la fuite. Mais là, avec cette phrase dans sa gorge, il est bloqué. Son interlocuteur sait très bien qu'il ne peut plus placer ses cartes. Et soudainement, il a pitié de lui. Alors, il lui lance une bouée de secours. J'ai un conseil à te donner, un ami. Si tu veux sauver la face, fais tout pour convaincre l'opinion que c'est la contribution parfaite. Tu peux être encore le sauveur de l'humanité. Ça ne tient qu'à toi. C'est une campagne de presse qui te fout en nez dans l'ère du storytelling, de l'image. Vas-y, fais-toi plaisir, tu vas adorer. Il se retrouve dans le couloir du ministère, sans rien comprendre de ce qui a été dit, et la même phrase qui frappe dans sa tête. C'était plus simple avant. Vous venez d'entendre Redline d'Alexandra Badea. Cinquième épisode, avec Jacques Gamblin, le ministre de l'Environnement, Jean-Marie Vinling, le ministre des Finances. Réalisation, Baptiste Guitton.